Chapitre 7. Que vienne la pluie. Qu'il ait allumé le feu, l'histoire ne peut le certifier. Mais l'histoire confirme qu'il a été le premier à qui on en a fait reproche. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il trouve un bouc émissaire. Quand l'incendie a balayé la cité de Rome en l'an 64, ne laissant subsister que 4 de ses 14 districts, la rumeur s'est répandue que l'empereur lui-même, Néron, qui régna de 54 à 68, avait allumé le feu. La rumeur a aussi circulé disant que durant la semaine où les flammes ont tout embrasé, Néron jouait de la lyre et chantait du haut d'une colline. Avec les années, cela s'est transformé en une légende disant que Néron jouait du violon pendant que Rome brûlait, mais le violon n'avait pas encore été inventé. Pour détourner la suspicion malvenue de la populace, Néron accusa les chrétiens vivant dans la ville. Selon les termes de l'historien romain Tacite, ainsi, pour se débarrasser de la rumeur, Néron désigna comme coupable et puni avec le plus cruel raffinement une classe haïe pour ses abominations, communément appelés les chrétiens. Le choix de Néron des boucs émissaires fut excellent, parce qu'il fit baisser temporairement la pression des diverses rumeurs qui couraient à Rome. Ces abominations? Pourquoi une telle malveillance à l'encontre de ces premiers chrétiens? Tout comme de fausses allégations ont conduit à la mort de Jésus-Christ, le fondateur de l'Église, ainsi de mensonges similaires concernant ses disciples se sont répandus. Dans le grand conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, Jésus a gagné la bataille décisive à la croix du calvaire. La défaite ultime de Satan a été scellée quand Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Mais bien que le sort ultime de Satan ait été scellé ce sombre vendredi, d'autres questions dans le conflit entre celui qui avait été une fois l'ange le plus élevé du ciel et son Créateur devaient encore être résolues. Des questions sur l'impartialité de Dieu, sur sa loi, son gouvernement et son caractère devaient encore trouver réponse. Une fois que Jésus est retourné aux côtés de son Père dans le ciel, Satan a concentré son insatiable furie sur ses disciples sur terre. Pendant que Jésus parcourait les chemins de Palestine, Satan a fomenté toutes sortes d'horribles mensonges contre lui. Maintenant, il poursuivait la même tactique contre ses disciples. Les rumeurs se répandent comme les flammes de Rome. La pratique de la scène a conduit à des allégations malveillantes de sacrifices humains et de cannibalisme. Le repos du sabbat a prêté le flanc à des accusations de paresse. On raconta que les chrétiens se livraient à des orgies et d'autres conduites dépravées. Ainsi, quand Néron détourna de lui-même vers les chrétiens les suspicions de l'incendie de Rome, ce fut chose facile. Les historiens de cette époque rapportent que la persécution qui s'ensuivit fut alimentée non pas tant par l'accusation d'incendiaire, mais par l'opinion générale que les chrétiens étaient les ennemis de l'humanité. La persécution fut horrible. Tacite dit encore « Couverts des peaux de bêtes, ils furent déchirés par des chiens, ou furent cloués à des croix, ou destinés aux flammes, et brûlés pour servir à illuminer la nuit, après la fin du jour. » Des chrétiens brûlés vivants, comme des torches, pour illuminer le ciel nocturne. Crucifiés. Mordus à mort par des chiens. Oui, c'est horrible. Tacite dit encore, « Couverts des peaux de bêtes, ils furent déchirés par des chiens, ou furent cloués à des croix, ou destinés aux flammes, et brûlés pour servir à illuminer la nuit, après la fin du jour. » Des chrétiens brûlés vivants comme des torches pour illuminer le ciel nocturne, crucifiés, mordus à mort par des chiens. Oui, c'est horrible. L'histoire de l'Église primitive montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de ses saints. Le paganisme, prévoyant que si l'Évangile triomphait, ses temples et ses autels seraient renversés, se disposa à détruire le christianisme. Ellen White, La tragédie des siècles, page 40. Du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur voyait venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples pendant des siècles de ténèbres et de persécutions. Ibid. Jésus a prononcé ces mots, là, sur le mont des Oliviers. Alors on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. La persécution de ces premiers fidèles chrétiens ne s'est pas achevée avec Néron, mais a continué pendant des siècles. L'histoire rapporte au moins 10 persécutions majeures qui ont commencé sous Néron et se sont poursuivies avec ses successeurs. Néron, 64. Domitien, 90-96. Trajan, 98-117. Adrien, 117-138. Marc Aurèle, 161-181. Septime Sévère, 202-211. Maximin Ier de Thrace, 235-251. Dès, 251-251. Valérien, 257-260. Dioclétien, ou Galère, 303-311. Ces persécutions, dont l'ère s'ouvre sous Néron, vers le temps du martyre de saint Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et considérés comme étant la cause des grandes calamités telles que les famines, les pestes et les tremblements de terre. Alors qu'ils étaient devenus les objets de la suspicion et de la haine publique, de faux témoins, toujours prêts pour un prix honteux à dénoncer des innocents, s'élevèrent contre eux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns furent crucifiés. D'autres, couverts de peaux de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses, rassemblées pour jouir de ces spectacles, saluaient l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. De ces fidèles, la Bible dit « D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. » Hébreux 11, 36-38. Le résultat de cette persécution infatigable? A-t-elle découragé ces premiers chrétiens? Les horreurs de la persécution se sont-elles avérées excessives? Furent-ils si découragés qu'ils abandonnèrent? Les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Ibid, page 42. Le sang des chrétiens est une semence. Comme l'a dit Tertullien, nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Ce que Satan cherchait à faire n'a pas marché, et accordé au grand ennemi qu'il n'est pas bête. L'imposante intelligence dont il a été gratifié dès sa création ne s'est pas envolé quand il est tombé dans l'orgueil. Il a seulement réorienté son esprit brillant vers le mal. Il était clair qu'il devait changer de stratégie. À partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pu s'assurer par la contrainte. La persécution cessa et fut remplacée par l'appât dangereux de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché ni de leur besoin de repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant, de façon à se rencontrer sur le même terrain, celui de la foi en Christ. L'Église courut alors un péril au regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée eussent été des bienfaits. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était impossible. D'autres se montrèrent prêts à céder ou à modifier certains points de leur foi dans l'espoir d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. Une heure d'angoisse avait sonné pour les fidèles disciples de Jésus-Christ. Sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétrait dans l'Église pour la corrompre, en détournant les esprits de la parole de vérité. La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Ellen White, La tragédie des siècles, page 43. La persécution n'a pas fonctionné, mais la compromission. Là, l'ennemi a largement réussi. Éphèse, de la Pentecôte jusque vers l'an 100. Smyrne, de l'an 100 jusque vers 313. Pergame, de 313 jusque vers 538. Sous le symbole de cette église, le livre de l'Apocalypse décrit toute l'histoire de l'église chrétienne depuis sa fondation jusqu'au retour de son fondateur. Comme nous l'avons noté dans le chapitre précédent, les dates exactes de début et de fin de chaque église varient d'un auteur à l'autre, mais les périodes approximatives couvertes par les trois premières églises sont les suivantes. Éphèse. Voici le message que Dieu a envoyé à l'église d'Éphèse, la première des sept églises. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept porte-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. » Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Apocalypse 2, 1 à 5. L'histoire racontée dans ce livre n'a pas pour but d'expliquer en détail chaque mot ou chaque phrase des messages aux sept églises. Mais notez bien à propos du premier message que Dieu connaît les œuvres et la patience de ses premiers chrétiens. Poussés par un amour pour leur leader plus fort que la mort, ces premiers chrétiens ont enduré les plus terribles persécutions que l'on puisse imaginer. Ils sont restés fidèles et loyaux, quel qu'en fût le prix. Mais avec le temps, certains ont commencé à chanceler. Certains ont perdu contact avec leur leader. Certains ont commencé à considérer leur relation avec Jésus comme une chose acquise. Cela arrive bien trop souvent. Des jeunes mariés, dans le feu dévorant de leur amour, sont prêts à tout l'un pour l'autre, même de mourir si nécessaire. Mais le temps, le stress et la négligence amènent un changement si lent qu'il n'est même pas remarqué. La flamme du premier amour s'éteint doucement et peut se transformer en braise rougeoyante ou même en résidus froids et en cendres. Peut-être est-il irréaliste de penser que la passion et l'intensité du premier amour peuvent se maintenir indéfiniment. Dans les bons mariages, ils se transforment finalement en quelque chose de plus durable, une appréciation et un engagement mutuel constant et profond, un lien qui est plus fort, plus riche et plus durable que l'amour romantique du premier amour. Mais malheureusement, le premier amour débouche trop souvent sur l'ennui, l'irritation et l'apathie, ne laissant que les cendres de ce qui fut un jour. À l'église d'Éphèse, Dieu dit « Tu as abandonné ton amour premier, change radicalement et reviens à tes œuvres premières ». De nombreuses difficultés peuvent être résolues quand les deux partenaires commencent à refaire pour l'un l'autre ce qu'ils faisaient autrefois sans effort. Ainsi, vers l'an 100, à la fin de l'époque de l'église d'Éphèse, la persécution avait déjà commencé, et celui qui est la tête de l'église a estimé nécessaire de l'avertir que si certains restaient fermes jusqu'à la mort même, d'autres laissaient la suffisance remplacer la passion de leur premier amour. Celui qui est la tête de l'église savait que ses disciples ne pourraient endurer la persécution s'ils laissaient cela se réaliser. Il les exhorta à se repentir, à revenir, à retrouver leur zèle d'origine. Ils allaient avoir désespérément besoin de ce premier amour, car Smyrne était juste au coin de la rue. Smyrne. L'église de l'an 100 à l'an 313 environ allait être l'église qui a connu la plus intense persécution. La lettre de Dieu à Smyrne est la seule des sept qui ne contient aucun reproche. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue du Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Apocalypse 2, 8 à 10. Il a certainement été réconfortant et encourageant pour ceux qui ont affronté la mort pour leur foi de se voir rappeler que leur Seigneur est mort et a repris vie. Il devait en être de même pour eux. « Je sais, dit leur Seigneur, ce que vous allez endurer. Je sais que certains d'entre vous vont être emprisonnés en raison de leur fidélité. Certains d'entre vous vont mourir. Mais n'ayez crainte, si vous êtes fidèles jusqu'à la mort, je vous donnerai une couronne de vie. » Ce que Jésus dit à l'église de Smyrne demeure vrai pour l'église à la fin des temps. Juste avant le retour du Christ, certains de ses disciples vont une fois encore affronter la mort pour leur foi. Il se peut que cela concerne certains d'entre nous qui vivons aujourd'hui. La promesse de la couronne de vie est aussi pour ceux de la fin. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours, dit Dieu. Bien qu'il soit vrai que la persécution s'est poursuivie de façon intermittente tout au long des premiers siècles sous divers empereurs romains, il est largement admis que la plus sanglante et la plus intense s'est déroulée pendant 10 ans, de 303 à 313, sous l'empereur Dioclétien. En appliquant le principe d'un jour pour une année pour l'interprétation de la prophétie biblique, comme voir Nombre 14:34 ou Ézéchiel 4:6, 10 jours équivalent à 10 années. Pergame. Nous arrivons maintenant à l'Église qui représente le glissement de la stratégie de Satan de la persécution à la compromission. De 313 à 538, le paganisme et le christianisme ont entrelacé leurs liens de plus en plus étroitement. Pendant ce temps, l'Église romaine a dominé le christianisme, introduisant une cohorte de pratiques et de doctrines inconnues de l'Église primitive. Finalement, la ligne de séparation entre l'Église et l'État s'est estompée de plus en plus. À l'ange de l'église de Pergame écrit « Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites, c'est là que se trouve le trône du Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as, toi aussi, des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. » Apocalypse 2, 12 à 16. Sans vouloir entrer dans tous les détails de ce message, il est clair que Jésus se souvient de la fidélité de son peuple jusqu'au martyr, mais il lui demande de rendre compte du fait qu'il a compromis la pureté de ses doctrines. Ils ont remplacé la vérité par l'erreur. À partir de la supposée conversion de l'empereur Constantin en 313, quand il fit du christianisme la religion de l'État, jusqu'à l'établissement de la papauté dans sa pleine puissance en 538, le christianisme s'est compromis sans interruption. Le sabbat biblique laissa la place au dimanche. La Bible, comme véritable et unique autorité pour les chrétiens, fut remplacée par la tradition humaine. La liberté religieuse fut considérée comme une hérésie. Le salut ne fut plus considéré comme un don gratuit, mais comme le fruit des efforts humains. Comme nous l'avons dit plus haut, quand Satan a vu que la persécution ne parvenait pas à détruire les disciples de Christ, il a changé de tactique pour celle de la compromission. Mais cela signifie-t-il que Satan a abandonné pour toujours la persécution ? Mais une autre question plus importante encore devrait retenir aujourd'hui l'attention des églises. L'apôtre Paul déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Or, la persécution semble sommeiller. Pourquoi ? La seule raison qui puisse être donnée, c'est que l'Église, avec accepté les maximes du monde, ne provoque plus d'opposition. La religion qui prévaut aujourd'hui n'est pas caractérisée par la pureté et la sainteté qui distinguaient les chrétiens au temps de Christ et des apôtres. C'est grâce à ses compromis avec le péché, à l'indifférence aux grandes vérités de la parole de Dieu et à l'absence de piété réelle que le christianisme est apparemment si populaire dans le monde. Que l'Église rentre en possession de la foi et de la puissance des jours apostoliques, alors on verra l'esprit de persécution renaître et les bûchers se rallumer. Ellen White, La tragédie des siècles, page 48. Si les efforts de Satan au cours de ses premiers siècles pour entraîner les chrétiens à se compromettre avec le péché n'avaient pas réussi, s'ils étaient restés fermes dans leur fidélité, le commentaire ci-dessus implique que Satan aurait repris la persécution, peut-être en l'intensifiant. Pourquoi n'y a-t-il pas de persécution aujourd'hui du type de celle que les premiers chrétiens ont endurée ? parce que la compromission connaît encore trop bien le succès, pas seulement au niveau de l'Église, indifférence à l'égard des vérités bibliques, mais aussi personnellement, compromission avec le péché. Tout adventiste sait que la pluie de l'arrière-saison doit venir. Nous savons qu'un grand réveil doit survenir juste avant la fin. Nous savons que la dévotion primitive doit ressurgir. Et quand cela se fera, la persécution reviendra. Un temps de difficulté surgira. Tout ce que le christianisme primitif a enduré, et plus encore, sera le lot du peuple de Dieu à la fin. Cela est effrayant pour certains. On peut se demander si nous serons assez forts pour tenir en faveur de la vérité et pour celui qui est la vérité malgré la persécution et la mort. Serons-nous capables d'endurer la torture, la famine, la prison, la mort? Quand la grâce est nécessaire. Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez ne pas avoir la grâce nécessaire pour affronter la persécution ou la mort, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous expérimentez. Mais si Dieu permet que ce jour vienne, oui, vous honore même comme quelqu'un qui doit affronter ces choses, alors, et seulement alors, il vous accordera la grâce pour traverser ce moment. Mais la façon dont je suis fidèle aujourd'hui à mon Seigneur est une préparation pour la fidélité dont je ferai preuve alors. La façon dont je demeure loyal, dont vous êtes fidèle aujourd'hui à la vérité divine, est la mesure dont nous le serons alors. Tout au long d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Dieu a toujours eu un peuple qui lui est resté fidèle et loyal. Ils se sont trouvés dans la ligne ininterrompue qui a commencé avec Adam et continuera à travers tous les temps ici sur la terre. C'est la chaîne ininterrompue à laquelle vous et moi sommes liés. Quand viendra le temps de la plus grande épreuve, nous voulons rester fermes. Notre meilleure préparation, c'est de forger le lien le plus fort possible avec la source de la force, aujourd'hui, demain et chaque jour. L'une des chansons du chanteur populaire Joe Di Messina, dont le succès fut retentissant, dit ceci « Demain est un autre jour, et j'ai soif de toute façon, que vienne donc la pluie ?» Y a-t-il un adventiste quelque part qui ne puisse se faire l'écho de ce sentiment et l'appliquer à notre espérance d'un réveil à venir ? Oui, demain est un autre jour, et je n'ai jamais été aussi assoiffé, Seigneur. Envoie donc la pluie, la dernière pluie. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.